Il y a des regards que l'on n'oublie pas. Un regard d'enfant à la seconde où on l'abandonne, c'est terrible. Il s'appelle Jimmy. Il a 15 jours d'existence. Au-dessus de son panier d'osier, deux visages de femmes. Mamabo, nourrice de son état à Quincy, Illinois, États-Unis. C'est $150 la semaine, plus les médicaments, les visites du médecin. 4 semaines payables d'avance et un certificat médical, je prends pas de gosse malade. Et pas au-dessus d'un an, hein. Après un an, ça se complique. Et j'ai plus l'âge de courir après. Mamabo est énorme. Genre colosse femelle, visage bouffi, aussi tendre qu'un camionneur. La jeune mère est une blonde stéréotypée, yeux bleus, longues jambes, en pestant le parfum au marché. Katie Veil. Elle exerce la profession officielle de barmaid. Un bébé quand on est barmaid. Pas une sinécure. Katie donne les $600 d'avance et embrasse son rejeton. « Je viendrai le voir tous les samedis. C'est ça, on lui dira. » Mamabo prend Katie pour ce qu'elle paraît. Une fille que ce marmot encombre pour courir le gibier de bar. Un jour ou l'autre, le petit Jimmy se retrouvera à l'assistance ou adopté parce que la mère n'aura plus payé la pension ou aura filé dans un autre état. « Attention, hein. Si vous avez des idées pour me le laisser en plan, dites-le tout de suite. Il y a des orphelinats pour ça. Et des gens bourrés de fric qui n'attendent que ça pour adopter, hein. Pas question, je vais pas vendre mon gosse tout de même. » Mamabo soudain a le regard méfiant. « Qui parle de vendre? J'ai dit adopter. Ouais, bon. En tout cas, pour l'instant, je gagne pas beaucoup, mais... je lui donne une chance à mon môme. » Et Katie, embrassant rejeton, reprend le bus, quitte ce petit bourg paumé de l'Amérique profonde, en abandonnant entre les énormes bras de Mamabo ce que l'on pourrait appeler un bébé kamikaze. Le lendemain, Katie ne se ressemble plus du tout. Tailleur strict, cheveux sages, souliers plats, elle vient faire son rapport au patron. « J'espère que le gosse ne risque rien. Mais cette femme n'a jamais tué personne à Jean Veil. Elle vend. » Le FBI surveille Mamabo depuis plus d'un an. On la soupçonne d'avoir vendu en 5 ans une bonne douzaine d'enfants. Le problème est de réunir des preuves. Il n'y a rien de tel dans ces cas-là qu'un flagrant délit. Jimmy est un flag à retardement. Race blanche, sexe masculin, aucun handicap, une marchandise pour Mamabo. Il est né en prison d'une mère prostituée et droguée. La moitié de la population mâle de Quincy, Illinois, pourrait prétendre à sa paternité. Orphelin à l'âge de 10 minutes, sa mère est morte au moment de la délivrance. Aucune famille à l'horizon. L'orpheline l'attend de toute façon. Mais pour servir d'appât au FBI et partir en mission chez Mamabo, on a mobilisé pour lui une armée d'agents administratifs. Un juge qui réclame un bulletin de santé hebdomadaire de l'enfant. 3 hommes en surveillance autour de la crèche de Mamabo, 2 avocats du département, 1 pédiatre du service de santé de l'Illinois, 1 assistante sociale, 1 table d'écoute et 4 agents du FBI en relais jour et nuit à un poste d'observation avec lunettes à infrarouge dans la maison d'en face, ainsi que des caméras vidéo. Le système de Mamabo, pour pouvoir vendre les pensionnaires que lui confient de jeunes mères en difficulté, mérite bien cela. Elle augmente régulièrement la pension de l'enfant, cherche à épuiser financièrement et moralement les mères, et un jour, assez vite, pour que les sentiments maternels ne prennent pas trop d'ampleur, la proposition mirifique arrive. Un arc-en-ciel dans le désespoir de ses filles, ou une récompense à leur initiative, car certaines sont complices. Entre 5 et 10 000 dollars. Le marché est conclu 5 fois sur 10. Katie, agent du FBI, a joué les mères susceptibles d'abandon. Le problème est que le juge pour enfants, l'administration et toute la cohorte des précautions légales ne donnent qu'un mois au FBI pour tenter le flagrant délit. Pas question de jouer avec la sécurité et les droits de Jimmy. Les droits civiques de Jimmy sont imprescriptibles. Le plan est le suivant. Katie va revenir voir son fils dans 2 semaines accompagnée d'un soi-disant fiancé riche et texan et réfractaire aux enfants qui ne sont pas lui. En réalité, un agent du FBI. Tous les deux vont jouer devant Mamabo la scène du 2, le Texan refusant d'épouser sa barmaid si elle garde Jimmy. Il n'y aura plus qu'à pleurer dans les bras de Mamabo et attendre la proposition que normalement elle doit faire assez vite. Mamabo a toujours des clients sous la main. Sa propre fille lui sert d'agent. Infirmière dans une clinique privée, service de stérilité féminine, le recrutement des clients n'est pas très difficile. 15 jours plus tard, le 20 décembre 1974, Katie et son Texan viennent devant Mamabo interpréter leur petite scène. Jimmy fait des pieds et des mains dans son panier pour attirer le regard de celle qu'il croit sa mère et attendrir cet homme qui l'accompagne. Le Texan marmonne « C'est ton problème, chérie. Si tu veux vivre au Texas avec moi, j'ai une famille, des relations. Évidemment, tu peux continuer à payer la pension, mais enfin, le père de ce gosse t'a abandonné, non ?» Et ça marche. Mamabo, pourtant méfiante, se laisse prendre à l'accent balourd de ce faux Texan, à sa vulgarité, à ses mains alourdies de bagues qui traînent autour de la taille de Katie, l'air de dire « Je viens ramener une entraîneuse chez moi pour la bagatelle, mais le monde pas question. » Mamabo plonge. $20,000 pour un petit mâle de race blanche, c'est du nanan. Elle attire Katie loin du berceau et du Texan. « Je peux vous aider, mon petit. Venez me voir toute seule la semaine prochaine, on peut causer. » Mamabo a une filière rodée. Faux papier pour le bébé, faux certificat de naissance, faux certificat de vaccination, un avocat marron dans sa manche, et Katie n'a pas grand-chose à faire, juste une décharge à signer si l'idée lui venait un jour de réclamer l'enfant, ou de faire un procès, ou du chantage, enfin on ne sait jamais. Katie a la larme à l'œil. Mais le rimmel n'a jamais convaincu Mamabo de l'instinct maternel de certaines femmes. « Vous n'allez pas rater la chance de votre vie. Il a l'air plat aux as, ce type. Mais Jimmy, mon bébé, votre Jimmy, il aura des parents qui n'attendent que lui depuis des années, une maison dans le Michigan, des études à l'université, tout ce qu'il faut à un gamin pour être heureux. Je connais la mère, bonne famille, éducation religieuse. C'est l'avenir rêvé pour un petit Jimmy. Qu'est-ce qu'il aurait fait avec vous, hein? Et qui vous dit que ce type va vous épouser? S'il vous laisse tomber dans 6 mois, il ira où, Jimmy? À l'assistance? Ah, bien sûr, vous pourrez vous remettre au boulot. Mais à 30 ans, les bars, les clients, ça commence à fatiguer le tempérament. Croyez-moi, j'en ai vu des filles comme vous. Réfléchissez, mais pas trop longtemps. Ah, à propos, vos $600 d'avance, c'est un peu court. Il nous a fait une jolie fièvre cette semaine. Hein? Le Toubib est venu 3 fois. J'ai les factures. La semaine suivante, Katie signe tout, accepte tout, pleure, se détourne au moment d'embrasser le petit Jimmy et accepte de recevoir les $5,000. Le reste est évidemment pour Mamabo, qui lui offre un couple de parents adoptants qu'elle ne verra jamais, bien sûr. Mamabo ne sait pas que sous le corsage de Katie, un micro enregistre la transaction. Que devant la fenêtre de son bureau, une lointaine caméra filme pour l'éternité l'échange d'un bébé contre un paquet de dollars. Et l'instant crucial où Katie signe la décharge, livrant Jimmy au hasard de l'existence. Le FBI aurait bien voulu que Katie se débrouille pour glisser un émetteur dans la couche culotte de Jimmy, mais le procédé est trop risqué, impossible à réaliser. Un dernier baiser pour Jimmy sur le pas de la porte de la nourrice, filmé pour la postérité, et Katie regagne l'arrêt du bus qui doit la ramener en ville. Et Katie pleure toujours dans le bus. C'est sa première mission de ce genre, et là elle ne joue plus. Le petit Jimmy lui a fait un drôle d'effet au moment de l'abandonner dans les énormes bras de Mamabo. Un regard. Cet enfant avait un regard comme s'il comprenait tout, qu'il était le jouet des grands depuis la minute de sa conception hasardeuse, les risques qu'il a encourus dans le ventre d'une mère droguée, sa naissance dans un hôpital de prison, ce cordon ombilical que l'on a coupé, mort en lui mais donnant la vie. Quelle vie! L'agent du FBI, 15 jours, en un mois d'existence, Jimmy a vécu tout ce que l'humanité a de plus triste à offrir, sans le savoir. Mais ce regard... 48 heures plus tard, il est récupéré dans un supermarché alors qu'il passe d'un landau à un autre dans l'anonymat d'un rayon de boîtes de conserve. Et Mamabo, hurlant de rage, se retrouve menotte au poignet dans le bureau d'un procureur décidé à faire le ménage dans son secteur. Déterminer le nombre exact des enfants vendus... Retrouver les mères vendeuses, les parents acheteurs, quand c'est possible, instruire les dossiers, décider du sort des enfants. Alors Katie va voir le procureur. Expliquer que sur un regard à l'instant où elle quittait ce petit Jimmy, elle a craqué. Jimmy lui a fait signe ce jour-là, à cette seconde-là, et elle a ressenti quelque chose qui n'a pas de nom. Elle essaie de traduire pour le procureur, mais c'est difficile. Un enfant a droit au respect, à l'honneur, à l'amour. Un enfant comme Jimmy, c'est le symbole de toute une société qui flanche. Jimmy, c'est... Adopté, Jimmy? Le procureur a un hochement de tête peu encourageant. Avec le métier que vous faites, célibataire, pour une adoption, l'enquête est longue. N'agissez pas sur une émotion. Vous vous croyez lié à cet enfant parce qu'il a participé à une opération avec vous. J'étais contre, d'ailleurs. Je n'ai cédé qu'en raison de l'importance du réseau de cette femme. Mais il y a eu des indiscrétions dans la presse. Nous avons sur le dos une multitude d'associations. On nous a presque traités d'esclavagistes. Vous et vos collègues, vous imaginez des scénarios de fous, hein ? Jimmy est en sécurité dans un centre spécialisé. Les services de protection de l'enfance ne vous le confieront pas. Non, surtout pas à vous. Enfin, pourquoi pas à moi ? Miss Veil, je vous l'ai déjà dit. Le diable vous emporte, vous et vos collègues. Vous n'avez pas le profil d'une mère de famille. Jimmy a donc disparu dans l'anonymat d'un orphelinat de l'Illinois. Flic de choc à 2 semaines, il doit avoir maintenant 20 ans. Cathy n'avait même pas de photos. Elles étaient dans un dossier. Cathy n'avait pas, soi-disant, le profil d'une mère de famille. Cathy était flic. Cathy ne se souvenait que d'une chose. Ce regard, cet instant où ce bébé l'avait regardé au fond de l'âme. Eh bien, elle a bataillé 5 ans pour l'avoir. Elle s'est mariée entre-temps. Et elle l'a eu. Jimmy est maintenant l'aîné d'une famille de 3 enfants, quelque part dans le vaste Illinois. Jimmy est le fils d'un ex-flic du FBI. Voyez-vous, il y a des regards que l'on n'oublie pas.